sœur dans la maison étrangère. La bénédiction suit ses pas. Même l'exil devient un chant fertile quand l'obéissance ne faiblit pas. Mais la tentation frappe à sa porte. Le mensonge cherche un passage. Il choisit la fuite plutôt que la faute. Et la prison plutôt que le naufrage. Tu es avec nous, même quand l'innocence tombe. Même dans la prison, tu restes Dieu. Même dans la justice, tu change la chaîne en école secrète et l'ombre en futur choisi. Ta présence ne quitte pas.